are white. So what you see fighting? Boy, all right. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, c'est Marion, il est 8h30 et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 26 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Larissa, ça vient du grec mouette. Les Larissa sont des femmes particulières et surprenantes qui possèdent un certain mystère, soit parce qu'elles demeurent secrètes, soit parce que leur apparence extérieure tranche avec leur image intérieure, soit encore parce qu'elles sont originales et peu conformistes. Elles ont une grande séduction naturelle et l'on pourrait facilement penser que ce sont des femmes légères ou superficielles, alors qu'en réalité elles sont profondes et tendent à l'introspection. Il est vrai qu'il existe un contraste frappant entre leur activité apparemment débordante et leur recherche d'authenticité qui est accompagnée d'un besoin de réflexion personnelle. En fait, elles sont excessivement nerveuses et peuvent exprimer certaines tensions dans une activité trépidante. Cela peut les conduire à s'éparpiller et à se disperser comme si elles voulaient tout embrasser à la fois en saisissant toutes les opportunités qui s'offrent à elles. Elles peuvent effectivement commettre des actes impulsifs lorsqu'elles sont dominées par leur émotion, leurs sentiments ou leur curiosité. Mais elles sont aussi capables de pondération à d'autres moments. Précipitation et réflexion coexistent paradoxalement chez ces femmes au caractère cyclotimique. Lorsqu'elles sont en confiance ou dans une période faste, elles deviennent capables du meilleur, charmantes, efficaces et spirituelles. Or, si l'ambiance ne leur paraît pas idéale, elles se replieront sur elles-mêmes en fuyant le monde, se montrant presque asociales. Par ailleurs, elles sont facilement attirées par ce qui sort de l'ordinaire, l'original, l'inédit, l'hétérodoxe et peuvent avoir tendance à ne pas suivre des voies traditionnelles. Dicton du jour pour la sainte Larissa, souvent de bonnes nouvelles tu auras. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée pourpre organisée par The Epilepsy Association of Nova Scotia pour sensibiliser à l'épilepsie. Et au Bangladesh, c'est la fête nationale et jour de l'indépendance qui commémore la déclaration d'indépendance en 1971. Et dans les événements qui se sont déroulés un 26 mars en 1885, George Eastman fabriquait la première pellicule commerciale de cinéma et en 2005 c'était la reprise de la série à succès Doctor Who après 16 ans d'absence. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Diana Ross et son titre Upside Down. Round and round, upside down. you turn me inside out and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round, upside down. You turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. I said upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to be respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. C'est le titre Upside Down sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 26 mars 1934, naissance d'Alan Arkin, acteur américain vu dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express dans le rôle du docteur Sigmund Freud, dans Édouard aux mains d'argent dans le rôle de Bill ou encore Argo dans le rôle de Lester Siegel. 1940, naissance de James Caan, acteur américain vu dans Le Parrain 1 et 2 dans le rôle de Sonny Corleone, tueur d'élite, la série télé Las Vegas dans le rôle de Ed Deline, apparu dans un épisode d'Hawaii 5-0 et réalisateur dans les années 80 du film L'Impossible Témoin. 1944, naissance de Diana Ross, chanteuse américaine. 1948, naissance de Steven Tyler, chanteur américain du groupe Aerosmith. 1960, naissance de Jennifer Grey, actrice américaine vue dans Cotton Club, Dirty Dancing dans le rôle de Frances Haussmann alias Bébé, et vue dans les séries télé Dr House ou encore Grey's Anatomy. C'est également l'année de naissance de Catherine Keener, actrice américaine vue dans Hors d'atteinte, dans la peau de John Malkovich, dans le rôle de Maxine Lund, 40 ans toujours puceau dans le rôle de Trish, Into the Wild ou encore Percy Jackson, le voleur de foudre. 1963, naissance de Rock Voisine, ancien joueur de hockey sur glace canadien, devenu chanteur, à succès d'ailleurs. 1965, naissance de Magali Barney, actrice française de doublage, qui est entre autres la voix française de l'actrice américaine Alyssa Milano. 1967, naissance d'Alexandra Gonin, actrice danseuse étoile française, vue dans La Boom 1 et 2 dans le rôle de Samantha Fontanet. La série télé Les Cordiers jugée flic dans le rôle de Lise Duval, puis Madame Morel est vue également dans Section de recherche. 1968, naissance de Kenny Chesney, chanteur de musique country américaine, connu pour son titre No Shoes, No Shirt, No Problems, dont on écoute eh bien, tout de suite un extrait. Been up to my neck, working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away, since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems. Voilà pour l'extrait de Kenny Chesney. Allez, on continue. 1973, naissance de T. Arknight, acteur américain connu pour son rôle du docteur George Mallet dans la série télé Grey's Anatomy, vu également dans The Good Wife. 1977, naissance de Bianca Kajlik, actrice américaine connue pour son rôle de Lisa Greyer dans la série télé Boston Public et son rôle de Natasha Kelly dans la série Dawson. 1985, naissance de Jonathan Groff, acteur américain connu pour son rôle de Jesse St. James dans la série télé Glee, vu également dans The Good Wife. C'est également l'année de naissance de Keira Knightley, vraiment pas facile à dire son nom, actrice britannique vue dans Star Wars épisode 1 La menace fantôme dans le rôle de Sabé, Jula comme Beckham dans le rôle de Juliette Paxton, dans la saga des Pirates des Caraïbes, hein, la malédiction du Black Pearl, le secret du coffre maudit, jusqu'au bout du monde et la vengeance de Salazar dans le rôle d'Elizabeth Swann, vue aussi dans Love Actually dans le rôle de Juliette, le roi Arthur dans le rôle de Guenièvre, Orgueil et Préjugé dans le rôle d'Elizabeth Bennet et tout récemment, l'année dernière, hein, dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes dans le rôle de la Fée Dragée. 2001, naissance de Kefren Thuram, footballeur français, fils de Lilian Thuram, qui depuis 2018 joue pour l'équipe de Monaco. En 1814, décédé Joseph Ignace Guillotin, médecin français, inventeur de la guillotine. Et en 1827, décédé Ludwig van Beethoven, compositeur allemand. On lui doit énormément de choses, et notamment la lettre à Élise, dont on écoute eh bien, un petit extrait. Voilà pour la lettre à Élise, hein, de Beethoven. On va complètement changer de registre avec le groupe Aerosmith et leur tube I Don't Want to Miss a Thing. Aerosmith avec la bande originale du film Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Eh bien, ce sera une belle journée ensoleillée, tout de même accompagnée de quelques nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 9 et 10 degrés pour cet après-midi. Mercredi, soleil et nuages également, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 10 et 12 degrés l'après-midi. Jeudi, soleil et nuages également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on file vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle football, bien évidemment, avec les qualifications pour l'Euro 2020. Deuxième match, deuxième victoire pour l'équipe de France qui s'est imposée hier soir 4-0 face à l'Islande. Ouverture du score par Samuel Umtiti qui a cassé la démarche comme à la Coupe du Monde en juillet dernier. On se serait cru, hein, oui, au mois de juillet contre la Belgique avec donc le but de Samuel Umtiti. Ensuite, c'est Olivier Giroud qui a inscrit le deuxième but pour l'équipe de France. Il inscrit donc son 35e but en équipe de France et il est seul troisième cette fois sur donc la troisième marche du podium des meilleurs buteurs en équipe de France. Olivier Giroud qui a d'ailleurs eu plusieurs occasions mais à chaque fois il était hors jeu sauf sur ce but. Troisième but inscrit par Kylian Mbappé et enfin quatrième but inscrit par Antoine Griezmann. Nos bleus qui étaient en forme hein, hier soir. Et à noter que dans la rencontre Portugal-Serbie, les deux équipes se sont quittées sur un match nul d'un but partout et coup dur pour le Portugal puisque Ronaldo est sorti sur blessure. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Miami et l'élimination de Caroline Garcia en 2-7 face à Kvitova, 6-3, 6-3. Alep s'est qualifié en 2-7 face à Venus Williams. A noter l'élimination de Wozniacki en 3-7 et à Miami, Federer s'est qualifié en 2-7 face à Krajinovic, 7-5, 6-3. Djokovic affrontera aujourd'hui Bautista Agut. Un mot de basket avec les résultats de NBA, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier en forme avec 24 points s'est imposée 119-98 face à l'équipe de Philadelphie et l'Utah Jazz de Rudy Gobert en forme lui aussi 27 points 10 rebonds s'est imposé 125-92 face à l'équipe de Phoenix de Okobo à 4 points. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de Détroit, on connaît les dates pour les quarts de finale, le match aller aura lieu à Poitiers le 6 avril prochain et le match retour ce sera donc le 13 avril à la patinoire de Poissonpré hein, à 18h10. On en a l'habitude et à noter qu'un déplacement est organisé par les supporters pour aller à Poitiers. Et on termine avec du biathlon. On parle de Martin Fourcade qui hier soir était dans l'équipe d'Estelle hein, sur la chaîne L'Équipe et qui a déclaré « À aucun moment j'ai pensé à arrêter ma carrière ». Voilà qui est dit, ce qui nous rassure un petit peu hein, pour tous les fans de Martin Fourcade après sa saison compliquée. Et à noter qu'hier soir, il a fait son entrée au musée Grévin. Allez, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Rock Voisine et son titre « Tant pis ». Et si j'ai tort de lire dans tes pensées où rien de beau ne m'échappe à part toi et seuls quelques silences m'effleurent encore quand je dors. Je n'ai plus de raison d'aimer. Yeah. la question et je n'attends rien de tes ombres, tes efforts. J'ai pris au soleil le feu qui manque à ton corps et perdu ton âme à l'horizon. Et tant pis si je me détruis et je fais le tour de tes mots, tes promesses et tes envies d'ailleurs. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet du désir, même obscur. Je m'attends à tout sauf à toi. Je ne t'aurai jamais que pour moi. Et quand j'y crois, ton cœur n'ose pas. Alors tant pis si je me détruis et je fais le tour de mes mots, mes faiblesses et mes envies d'ailleurs. Et tant pis si tu m'interdis d'être pour toi l'unique objet de ton désir. Je reste pur malgré mes blessures. Rock voisine et le titre Tant pis sur RGM. Il est presque 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de 90 minutes pour Boomerang. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, rediffusion de Memento Mori. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'aimais, je vous le lis avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.